Chapitre 5e, le martyr de Denys Flavien. Au grand hôtel, Boulbard et le chef de la sûreté montèrent tout droit à l'appartement de Denys Flavien. C'est elle qui va leur ouvrir. Boulbard présenta M. Thiroux, le chef de la sûreté. Parlez, madame. Pardon, pardon, s'écria-t-elle en s'écroulant dans une crise de larmes. Parlez. Je ne pouvais pas résister. Pierre, mon mari, il faut le sauver. Je vais vous aider. Aidez votre aveu. L'homme que vous nous avez présenté n'était pas votre mari. Cela, je l'ai pressenti à notre première rencontre. Ensuite, je me suis aperçu que le comte Prado de Porto-Gonneau, c'était lui. C'était crime. Les agents l'ont vu entrer dans une maison de Montrouge. Ce comte, maquillé en Américain du Sud, n'est pas revenu au grand hôtel depuis que vous êtes rentré à Paris. Et pourtant, toutes les filatures nous ramenaient aux environs de l'hôtel. Chaque fois que je cherche un crime, sa piste aboutissait au lieutenant Flavien. Et puis, il y avait aussi cette phrase, prononcée par lui à sa descente de l'avion. « Avec cela, on peut faire du mal à l'ennemi. On peut lui tuer du monde. » Ce n'est pas une phrase de français, cela. « Allons, avouez tout. Cet homme est un espion. Vous ne pouviez pas l'ignorer. Mais pouviez-vous être sa complice ?»« Non, non, mille fois non. Moi, complice de ce misérable. » Et Denys expliqua tout à Boulbard et au chef de la sûreté. L'avion postal les avait amenés, son mari et elle, à Toulouse. De là, le soir, à la sortie du restaurant, un chauffeur les avait abordés, leur proposant son taxi. Les voitures étaient rares. Ils acceptèrent. Que se passa-t-il? Elle ne sait, sinon qu'elle y fut endormie par un puissant narcotique ainsi que son mari, chloroformé sans doute. Elle se réveilla dans un faubourg de la ville. Devant elle, un inconnu se présenta en costume de lieutenant-aviateur. C'était crime. C'était l'individu qui m'a contrainte à cette infâme comédie. Il m'a dit « Maintenant, je suis votre mari. Rassurez-vous, je vous respecterai. Au grand hôtel, nous aurons deux chambres séparées, mais communicantes, pour empêcher votre évasion. D'ailleurs, si vous êtes raisonnable, et il appuya sur ce mot, il ne sera fait aucun mal à votre mari. Sa vie est entre nos mains. Si vous voulez qu'elle soit sauve, obéissez. Vous devrez me présenter partout comme étant votre époux, le lieutenant-aviateur Pierre Flavien. Je suis pilote. Ne craignez rien, je sais aussi essayer les prototypes. Jamais. Alors cet homme, crime, comme vous le nommez, appela. Un complice à face bestiale parut. Exécute les ordres, dit crime. Le poignard ou le pistolet? Et Denys continua son récit. Elle suppliait crime. Celui-ci implacable répétait. Obéissez et il vivra, et je vous le rendrai. J'acceptai d'abord, pour sauver mon mari. Je ne pouvais ni m'échapper, ni le dénoncer. C'était affreux. Si je l'avais fait, je tuais Pierre. Je le tue peut-être aujourd'hui, mais quand vous m'avez dit « Vous pourrez à tout moment du jour ou de la nuit me faire appeler », j'ai compris que vous étiez un ami. Il me semblait que vous saviez tout. Après un long débat intérieur, je me suis décidé. Je croyais que mon mari me serait rendu dès le premier essai effectué. Et puis ce matin, Krim m'a dit « Je ne vous rendrai votre époux qu'après tous les essais que je veux poursuivre pour posséder la connaissance complète de l'avion atomique ». Le piloter, ce n'est pas connaître le secret de la désagrégation de l'atome réglé à volonté. Donc, attendez. Combien de temps? Je n'en sais rien. Si vous tenez à sa vie, je dis, et je vous redis, obéissez. Faites de moi, messieurs, ce que vous voudrez. Mais lui, mon Pierre, je vous en conjure, sauvez-le, l'homme va revenir, il est armé. Nous aussi, dit Boulbard. À ce moment, la porte s'ouvrit, crime entra. Ce fut très bref. Boulbard et le chef de la sûreté s'étaient jetés sur lui. Le chef, de son pistolet, visait l'espion. « Ne tirez pas !» lui cria Boulbard. « Il me le faut vivant !» Mais Krim avait pris son arme. Lui aussi visait le chef. Puis Bard, d'un coup sec, fit tomber le pistolet sur le parquet. Et il se précipita sur Krim. La lutte était furieuse. Le chef essayait de venir au secours de l'inspecteur. Mais Denys avait ramassé l'arme que Krim avait dû lâcher. Elle s'élança. En une seconde, poussée par une invincible force, elle appuya le canon sur la poitrine de Krim et elle tira. L'homme s'abattit, foudroyé, frappé en plein cœur. L'inspecteur poussa un juron. « Je le voulais vivant !»« Par lui, j'aurais su tout. Ah, vous avez fait du bel ouvrage !»« Pierre, Pierre, sauvez Pierre !» s'écria la malheureuse. « Oui, il doit être dans cette maison de Montrouge, où j'ai vu entrer Krim quand je le filais. » « Allons prendre du monde en passant à la sûreté, » dit le chef, « et filons à Montrouge. » Le reste de la tragique aventure fut sans accident. Les policiers envahirent la maison, l'arme au poing. Quelques hommes présents dans la demeure secrète ne purent pas résister. Le lieutenant Pierre Flavien était prisonnier dans une pièce blindée où il fut retrouvé. « Denise ! » s'écria-t-il. « Denise, où est Denise ?»« Votre mari est sauvé !» dit Paul Bar, entrant dans l'appartement de l'hôtel, où Denise l'attendait en priant. « Il ne sait rien. Personne ne saura rien. »« Merci. Ah, je l'aimerai tant qu'un jour viendra, où je lui dirai tout. Il me pardonnera, parce que je n'agis que pour lui sauver la vie, et parce que j'ai abattu l'espion. » Après les effusions des époux retrouvés, le lieutenant demanda. « Et les plans de l'avion ?»« Attendons, » dit Paul Bar. « Je n'ai pas pu savoir si Krim les avait trouvés dans le dossier. Voir l'avion et le piloter même, ce n'est pas tout savoir. Il n'en a pas connu le détail, et puis il est mort avant d'avoir pu le révéler. Mais a-t-il eu les plans ?» On ne devait pas tarder à le savoir. Le cadavre du procureur Gontier fut retrouvé la semaine suivant ces événements. Le courant l'avait entraîné loin en aval du point de chute. Ce point de chute était dans le torrent, sous les murs du palais de justice de Moreuil. L'infortuné magistrat avait sur lui, dans son portefeuille, la partie du plan indispensable pour compléter l'autre moitié, celle que Krim possédait. Il ne l'avait pas trouvé dans le dossier, et sans savoir, il avait jeté le document précieux dans le torrent en y précipitant le procureur Gontier. Ce fut le lieutenant Pierre Flavien qui prit possession de l'avion atomique, le pilota désormais et, ses essais terminés, le remit aux ingénieurs pour en étudier la fabrication en série. Un règlement diplomatique doit précéder cette phase définitive de la mise en œuvre de la merveilleuse invention pour la mettre au service international du bien des peuples. Dans la joie de cette glorieuse et pacifique victoire, Denise a tout avoué à son époux tant aimé, et Pierre Flavien a pardonné. Ainsi s'achève, on a volé le secret de l'avion atomique, une enquête de l'inspecteur Barr par Michel Corrie.